Chapitre 13. Au milieu de ces réflexions, une autre idée qui ne m'avait pas encore frappée vint se présenter à mon esprit. Je triomphe, me disais-je, et avec raison, de l'impuissance de mon persécuteur. Mais cette impuissance n'est-elle pas encore plus grande que je ne l'ai cru jusqu'à présent? Je dis qu'il peut m'ôter l'existence, mais non pas troubler la paix de mon âme. Rien n'est plus vrai. Mon âme, ma présence d'esprit, la fermeté de mon caractère sont hors de sa portée. Mais ma vie n'y serait-elle pas également, si je le voulais? Quels sont les obstacles matériels que l'homme ne soit pas parvenu à vaincre? Est-il une entreprise si difficile dont on ne soit venu à bout? Et si d'autres l'ont fait, pourquoi ne le ferais-je pas? Était-il excité par des motifs plus puissants que les miens? L'existence leur était-elle plus précieuse, ou avait-il en eux plus de moyens pour l'animer et l'embellir? Certainement, je l'emporte à cet égard sur la plupart de ceux qui ont déployé le plus de persévérance et d'intrépidité. Pourquoi serais-je moins entreprenant? Un esprit hardi et contemplatif sait donner au diamant et à l'acier la ductilité de l'eau. La puissance de l'esprit humain ne connaît pas de bornes et se rit de la vigilance des tyrans. Je repassais 100 fois ces idées dans ma tête, et après quelques instants de contemplation, échauffé par l'enthousiasme, je m'écriais « Non ! Je ne mourrai pas. » Dans ma première jeunesse, j'avais lu toutes sortes de livres. Il m'était tombé entre les mains des histoires de ces hommes pour qui les serrures, les verrous n'étaient qu'un jeu, et qui, pour faire montre de leur habileté, avaient fait l'expérience d'entrer dans la maison la plus fortement barricadée, avec aussi peu de bruit et presque aussi peu de peine que d'autres auraient levé un loquet. Il n'y a rien qui intéresse autant un jeune homme que le merveilleux. Il n'y a rien qu'il ambitionne plus vivement que le pouvoir d'étonner les spectateurs par des tours prodigieux de force ou d'adresse. Sans suivre d'autres guides que le cours de mes réflexions, je concevais dès lors que l'âme était essentiellement libre, susceptible seulement des atteintes du raisonnement, mais destinée par la nature à ne jamais être soumise à la force. Comment pourrait-il être au pouvoir d'un homme de me retenir par contrainte? Pourquoi, si ma volonté était de me soustraire à sa violence, ne serais-je pas en état d'éluder les recherches les plus actives? Ses membres et ce tronc sont à la vérité pour la partie pensante une charge lourde et importune qu'elle a traînée avec soi. Mais pourquoi la partie pensante ne viendrait-elle pas à bout d'alléger cette charge de manière à ne plus la sentir? Ces réflexions des premiers temps de ma jeunesse n'étaient nullement étrangères à l'objet actuel de mes recherches. Dans la maison de mon père, nous avions pour plus proche voisin un charpentier. Tout plein du genre de lecture dont je viens de parler, j'étais extrêmement curieux d'examiner ses outils, leurs effets et leurs usages. Ce charpentier était doué d'une singulière capacité, et ses facultés n'ayant eu guère à s'exercer que dans sa profession, il était devenu fertile en inventions et raisonnait sur son métier d'une manière fort ingénieuse. Je trouvais donc avec lui beaucoup de satisfaction, et mon esprit, travaillant d'après les lumières qu'il me fournissait, perfectionnait même quelquefois les idées de mon maître. Sa conversation me plaisait infiniment. Je me mis d'abord à travailler avec lui pour mon amusement, et ensuite, pendant quelque temps, comme son compagnon. J'étais d'une constitution vigoureuse, et par l'habitude du travail, j'ajoutais à l'avantage abstrait de la force celui de savoir l'appliquer avec dextérité, quand je voulais, de manière à ce qu'il n'y en eût pas une seule partie qui ne fît son effet. C'est une chose étrange, quoique assez ordinaire, que les ressources mêmes, qui nous seraient le plus utiles dans une situation critique, quelque familière qu'elle nous soit, ne viennent pas à s'offrir à notre esprit quand il s'agirait de les mettre en œuvre. Ainsi, depuis ma détention, mon esprit avait déjà parcouru 2 cercles d'idées extrêmement différents, avant que ce moyen de libération se fût présenté à lui. Dans le premier, mes facultés avaient été accablées. Dans l'autre, elles avaient été exaltées au dernier point. Mais dans l'une et l'autre de ces situations, je regardais comme une chose décidée la nécessité de me soumettre passivement au bon plaisir de mes persécuteurs. Pendant le temps que j'avais passé dans cet état d'indécision, et après un peu plus d'un mois de captivité, arrivèrent les assises qui se tenaient 2 fois l'année dans la ville où j'étais prisonnier. Cette fois, mon affaire ne leur fut point présentée et se trouva dès lors remise à 6 mois. J'aurais eu, pour espérer d'être acquitté, d'aussi fortes raisons que j'en avais pour attendre une condamnation, que la chose eût toujours été la même, quand j'aurais été détenu pour la cause la plus frivole pour laquelle jamais juge de paix décrétait un malheureux mendiant, il n'en aurait pas moins fallu que j'attendisse environ 170 jours avant que mon innocence fût légalement reconnue, tant il y a encore d'imperfections dans les lois de ce pays si vanté, où les législateurs restent assemblés près de 6 mois par année. Je n'ai jamais pu savoir au juste si ce délai fut l'effet de quelques démarches faites par mon persécuteur, ou s'il fut tout naturellement une suite des formes de l'administration de la justice, trop grave, trop solennelle, pour se plier aux droits et aux besoins d'un obscur individu. Mais ce ne fut pas là le seul événement survenu pendant ma détention, dont je ne pourrais pas donner la solution satisfaisante. À peu près à la même époque, le geôlier commença à changer de conduite à mon égard. Un matin, il me fait venir dans la partie du bâtiment destinée à son usage, et après avoir un peu cherché ses paroles, il me dit qu'il était fâché de ce que je n'avais pas été placé plus commodément, et il me demanda si je m'arrangerais mieux d'avoir une chambre dans sa propre habitation. Frappé d'une question à laquelle je m'attendais si peu, je voulus savoir de lui si quelqu'un lui avait fait pour moi cette demande. Il me répondit que non, mais que les assises étaient passées, qu'il avait moins de prisonniers sur les bras et un peu plus de temps pour se reconnaître. Il ajouta qu'il me croyait une bonne patte de jeune homme et qu'il m'avait pris en amitié. À ce mot, je le fixai. Je ne découvris rien sur son visage qui porte à l'empreinte ordinaire d'un pareil sentiment. Il m'avait l'air d'un homme jouant un rôle qui ne va pas à sa figure et qui lui donne de la contrainte et de la gaucherie. Il en vint toutefois à me faire l'offre de manger à sa table, ajoutant que si cela me convenait, il n'en ferait pas plus gros ordinaire et n'entendait pas qu'il ne m'en coûtât rien de plus pour cela. Qu'à la vérité, pour lui, il avait toujours tant d'affaires qu'il n'avait pas un moment de reste, mais que sa femme et sa fille Peggy seraient enchantées d'entendre causer un homme d'esprit comme il savait que j'étais et que peut-être moi-même je ne trouverais pas leur compagnie désagréable. Je réfléchis sur cette proposition et je ne fis pas de doute, quoique cet homme m'eût fort assuré le contraire, qu'elle ne procédait pas d'un mouvement spontané d'humanité de sa part, mais que, pour parler le langage des gens de la sorte, il avait de bonnes raisons pour agir ainsi. Je m'épuisais en conjectures sur l'auteur de cet acte d'attention et d'indulgence. Les deux personnes qui se présentaient à mon esprit étaient M. Falkland et M. Forrester. Je connaissais celui-ci pour un homme austère et inexorable envers ceux qu'il avait une fois jugés vicieux. Il se piquait d'être inaccessible à ces mouvements de pitié qui ne sont bons, disait-il, qu'à nous faire manquer à notre devoir. M. Falkland, au contraire, était de la plus exquise sensibilité. C'était là la source de ses plaisirs et de ses peines, de ses vertus et de ses vices. Quoiqu'il fût l'ennemi le plus cruel que j'eusse à redouter, et quoiqu'aucun sentiment d'humanité ne fût capable de l'arrêter ou de le détourner le moins du monde de la marche qu'il s'était tracée, avec cela, je le crus bien plus porté que son frère à s'occuper de ma captivité et à vouloir alléger mes souffrances. Cette conjecture n'était pas de nature à mettre du baume sur mes plaies. Je ne pensais à mon persécuteur qu'avec un mouvement de colère. Comment aurais-je pu voir d'un autre œil l'homme qui, pour contenter sa passion dominante, ne comptait pour rien ni mon honneur ni ma vie? Je le voyais détruisant l'un et se jouant de l'autre avec un sang-froid et une tranquillité que je ne pouvais me rappeler qu'avec horreur. Je ne savais pas quels étaient ses projets à mon égard. Je ne savais s'il prenait seulement la peine de former un vœu stérile pour la conservation de celui dont il avait flétri l'avenir avec tant d'iniquité. Jusqu'à ce moment, j'avais gardé le silence sur mon grand moyen de récrimination, mais il n'était pas très certain que je consentisse à périr en silence, victime des artifices et de l'endurcissement d'un tel homme. De quelque côté que j'interrogeasse mon cœur, je le trouvais partout ulcéré d'un sentiment profond de l'injustice de mon oppresseur, et mon âme se révoltait à l'idée d'une lâche et imbécile pitié au moment même où son inexorable vengeance me broyait en poudre. Ces sentiments dictèrent ma réponse au geôlier, et je trouvais un secret plaisir à les laisser s'exhaler dans toute leur amertume. Je le regardai avec un sourire sarcastique, et je lui dis que j'étais ravi de le voir devenu tout à coup aussi humain, que pourtant je savais un peu lire dans l'humanité d'un geôlier, et que je devinais bien comment la sienne lui était venue, mais qu'il pouvait dire à celui qui le mettait en œuvre qu'il prenait une peine inutile, que je n'accepterais jamais rien d'un homme qui avait machiné ma perte, et que j'avais assez de courage pour endurer mon mal à l'avenir comme au présent. Le geôlier me considéra d'un air étonné, puis en faisant une pirouette sur le talon, À la bonne heure, mon brave, s'écria-t-il. Vous n'en avez pas tant appris pour rien, ce que je vois. C'est fort bien d'avoir du cœur, mais il y a un temps pour tout, mon garçon. Je crois que vous auriez mieux fait de garder votre courage pour le moment où vous en aurez besoin. » Les assises, qui se passèrent sans que j'eusse à m'en ressentir, opérèrent une grande révolution parmi mes camarades de prison. Je séjournai assez longtemps dans cette demeure pour y voir renouveler tous les habitants. Un des voleurs avec effraction, le ribal du duc de Bedford, et le faux monnayeur furent pendus. Deux autres furent condamnés à la déportation, et le reste fut acquitté. Les déportés restèrent avec nous, et quoique la prison se trouvât ainsi allégée par là de 9 de ses pensionnaires, il y avait au semestre suivant des assises autant de personnes à peu près que j'en avais trouvé en entrant. Le soldat dont j'ai parlé vint à mourir, le soir même de l'arrivée des juges, d'une maladie causée par sa prison. Telle fut la justice que trouva dans son pays un être fait pour orner son siècle. Le plus doux, le plus sensible des hommes, celui dont les mœurs étaient les plus simples et les plus aimables, dont la vie était la plus pure. Il se nommait Brightwell. Si ma plume pouvait immortaliser ce nom, je ne pourrais pas remplir de tâches plus douces pour mon cœur. Il avait le jugement sain et plein de pénétration, sans faiblesse ni confusion dans les idées, et en même temps, il régnait dans toute sa personne une franchise si naturelle et si confiante qu'un observateur superficiel l'aurait jugé fait pour se laisser prendre au premier piège dressé contre lui. J'ai bien sujet de me rappeler sa mémoire avec affection. Il fut le plus chaud, je dirais presque, hélas, le dernier de mes amis, et à cet égard je ne fus pas en reste avec lui. Dans le fait, il y avait, si j'ose le dire, une grande conformité entre nos deux caractères, si ce n'est que je ne saurais prétendre l'égaler pour la capacité de son esprit, ni même me comparer à lui pour l'extrême pureté de sa conduite. Je lui racontai mon histoire, du moins ce que je crus pouvoir lui en apprendre. Il l'écouta avec intérêt, il l'examina avec une véritable impartialité, et s'il conçut quelques doutes au premier moment, les fréquentes occasions qu'il eut de m'observer dans les instants où j'étais le moins sur mes gardes lui apprirent bientôt à m'accorder une confiance en réserve et lui donnèrent une parfaite conviction de mon innocence. Il parlait sans amertume de l'injustice dont nous étions victimes l'un et l'autre, et il prédisait qu'il viendrait un temps où la possibilité même d'une oppression aussi intolérable n'existerait plus. Mais c'était un bonheur, disait-il, réservé à la postérité. Nous ne pouvions pas espérer d'en jouir nous-mêmes. Il trouvait quelque consolation à penser qu'il n'y avait pas dans toute sa vie passée un moment dont il eût pu, d'après son jugement, désirer un meilleur emploi. Il pouvait dire avec autant de raison que beaucoup d'autres hommes qu'il avait rempli ses devoirs, mais il prévoyait de ne pas survivre à son infortune actuelle. C'était là ses discours quand il avait encore toute sa présence d'esprit, car on peut dire, dans un sens, que ses malheurs lui avaient fait perdre courage. Mais au moins, si on peut lui appliquer cette expression, il faut convenir que jamais désespoir ne fut plus calme ni plus résigné que le sien. Dans tout le cours de ma vie, je n'ai pas éprouvé de choc plus douloureux qu'à la mort de cet infortuné jeune homme. Les circonstances de son sort se présentèrent à mon esprit dans toutes leurs complications de dureté et d'injustice. Après avoir chargé d'exécration tout gouvernement humain qui pouvait être l'instrument d'un aussi abominable forfait, je me reportais sur moi-même. Je voyais d'un œil d'envie la fin de mon ami Brightwell. Mille fois je désirais que mon corps fût froid et insensible à la place du sien. Je n'étais conservé à la vie, à ce que je me persuadais, que pour endurer des maux inexprimables. Dans peu de jours il aurait été acquitté, il aurait recouvré sa liberté, sa réputation. Peut-être que les hommes, touchés des injustices qu'il avait eu à essuyer, se seraient montrés empressés à réparer ses infortunes et à effacer jusqu'au souvenir de son traitement ignominieux. Mais il venait de mourir, cet infortuné, et moi je restais, moi, victime d'une iniquité non moins révoltante, mais qui ne pouvait espérer de réparation, qui était marquée d'infamie pour toute la durée de ma triste existence, et qui devait emporter en mourant le mépris et l'exécration de mes semblables. Telles furent en partie les premières réflexions que me fit naître le sort de ce martyr de nos barbares institutions. D'un autre côté, cependant, mes relations avec le malheureux Brightwell ne laissaient pas de m'avoir fourni quelques motifs de consolation. Je me disais, Il a vu au travers de ces voiles de calomnie qui m'enveloppent. Il a reconnu mon cœur et m'a donné son amitié. Pourquoi désespérer? Ne pourrais-je pas rencontrer par la suite des âmes aussi libérales que la sienne, qui me rendront justice et compatiront à mes malheurs? Que j'aie ce bonheur et je serai content. Je me réfugierai dans les bras de l'amitié et j'y oublierai la méchanceté des hommes. Je vivrai satisfait au sein d'une paisible obscurité, en cultivant les jouissances du cœur et de l'esprit, et en me livrant dans un petit cercle aux douceurs de la bienfaisance. Ainsi mon âme s'excitait au projet que j'allais entreprendre. Je n'eus pas plutôt conçu l'idée d'une évasion que pour m'en faciliter les préparatifs, je me déterminai au plan que voici. Je résolus de me mettre dans les bonnes grâces du concierge. Dans le monde, en général, j'ai trouvé toutes les personnes qui étaient au fait des dehors de mon histoire, disposées à ne me regarder qu'avec une sorte de dégoût et d'horreur qui les portait à me fuir, comme si j'eusse été frappé de la peste. La supposition que j'avais d'abord volé mon maître et qu'ensuite, pour me laver, je l'avais accusé lui-même de subornation, me mettait dans une classe particulière et infiniment plus odieuse que les criminels ordinaires. Mais cet homme-ci était trop vieux routier dans sa profession pour entretenir de l'aversion contre un de ses semblables pour de pareils motifs. Il considérait les personnes commises à sa garde comme autant de corps humains dont il était responsable et qu'il était tenu de représenter en temps et lieu. Mais quant à la différence de l'innocent et du coupable, c'était une affaire qu'il jugeait au-dessous de son attention. Ainsi, en cherchant à me faire bien venir de lui, je n'avais pas à lutter contre ces préventions que j'ai trouvées, dans une foule d'autres cas si cruellement enracinées. Ajoutez que dans cette circonstance, j'avais encore pour moi l'influence de ce même motif, quel qu'il pût être, qui l'avait rendu si généreux dans ses offres à mon égard. Je lui parlai de mon talent pour la menuiserie, et je m'offris de lui faire une demi-douzaine de jolies chaises s'il voulait me procurer les moyens et les outils nécessaires, car il ne fallait pas espérer, sans son consentement, de pouvoir exercer paisiblement une industrie de ce genre, quand même mon existence en eût entièrement dépendu. Il me regarda d'abord fixement, comme cherchant en lui-même ce que voulait dire cette nouvelle proposition. Ensuite, prenant un air gracieux, il me dit qu'il était ravi de me voir ainsi m'humaniser un peu avec les gens et qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. 2 jours après, il me signifia qu'il m'accordait ma demande. Il ajouta que quant au présent que je voulais lui faire, il n'avait rien à me dire là-dessus, que je ferais comme il me plairait, mais que je pouvais compter sur lui pour toutes les douceurs qu'il pourrait me procurer sans se compromettre, pourvu que quand il se montrerait civil envers moi, je ne m'avisasse pas une seconde fois de le rebuter et de lui répondre par de mauvais propos. Ce préliminaire ainsi gagné, j'amassai successivement des outils de différentes espèces, tarières, perçoirs, ciseaux, etc. Aussitôt je me mis à l'ouvrage. Les nuits étaient longues, mon geôlier, malgré son ostentation de générosité, était excessivement pressé. Je sollicitai donc encore, et j'obtins un bout de chandelle, pour pouvoir m'amuser à travailler 1 heure ou 2, après que j'étais enfermé dans mon cachot. Néanmoins, je ne travaillais pas constamment à l'ouvrage que j'avais entrepris, et mon geôlier laissait percer à tout moment des signes d'impatience. Peut-être avait-il peur que je n'eusse pas le temps de finir avant que d'aller au gibet. J'insistais toutefois sur la liberté de travailler à mon loisir et quand il me plairait, ce qu'il n'osa pourtant pas me contester expressément. Pour surcroît de bonne fortune, je parvins à me procurer secrètement une forte pince par le moyen de Miss Peggy, qui venait de temps en temps à la geôle examiner les prisonniers et qui paraissait m'avoir pris particulièrement en amitié. Dans cette marche, il est facile de reconnaître comment le vice et la duplicité naissent nécessairement de l'injustice. Je ne sais si mes lecteurs me pardonneront le profit peu délicat que je comptais tirer de l'indulgence inexplicable de mon geôlier envers moi. Mais je ne dois pas taire mes faiblesses, c'est mon histoire et mon apologie que j'ai voulu écrire, et je ne me sentais pas préparé à conserver dans ma conduite une franchise invariable au prix du coup prématuré qui menaçait mon existence. Mon plan était tout fait. Je pensais qu'à l'aide de la pince, il me serait aisé de soulever sans beaucoup de bruit la porte de mon cachot hors de ses gonds, ou bien, qu'en cas de nécessité, je pourrais couper la place de la serrure. Cette porte donnait dans un passage étroit, où était d'un côté la file des cachots et de l'autre les logements du geôlier et des guichetiers au-delà desquels était l'entrée ordinaire de la rue. Je n'osais pas tenter cette sortie, de peur de réveiller les personnes à la porte desquelles il m'aurait fallu nécessairement passer. Je me déterminai donc à choisir la porte de l'autre extrémité du passage, qui était barricadée, qui donnait sur une espèce de jardin appartenant au concierge. Je n'étais jamais entré dans ce jardin, mais j'avais eu occasion de le voir de la fenêtre de notre chambre commune qui donnait de ce côté, la chambre même étant immédiatement au-dessus des cachots. Je m'étais aperçu qu'il était borné par un mur très élevé qui terminait le bâtiment de ce côté, à ce que j'avais appris par mes camarades de prison, et au-delà duquel était une ruelle assez longue qui aboutissait à une des extrémités de la ville. Après avoir bien examiné le local et avoir longtemps réfléchi sur ce sujet, il me sembla que si une fois je pouvais gagner le jardin, il me serait facile, à l'aide de perçoirs et d'autres outils fichés à des distances convenables, de me faire une espèce d'échelle avec laquelle j'escaladerais le mur et reprendrais bientôt possession de ma chère liberté. Je préférais ce mur à celui qui bornait immédiatement mon cachot parce que celui-ci donnait sur une rue très peuplée. Je laissai écouler 2 jours depuis le moment où j'eus tout à fait digéré mon plan. Et puis, dans le milieu de la nuit, je commençai à me mettre à l'exécution. Je trouvais infiniment de difficultés à venir à bout de la première porte, mais enfin je surmontai cet obstacle. La seconde était fermée en dedans. Ainsi, il me fut très facile d'en repousser les verrous. Mais la serrure qui en faisait dès lors la principale sûreté, et qui en conséquence était très forte, fermait à double tour, et la clé était ôtée. J'essayai avec mon ciseau de repousser le pêne, mais vainement. Alors je me mis à démonter les vis de la serrure, et étant parvenu à l'enlever, la porte ne m'opposa plus de résistance. Jusque-là, mes tentatives avaient été suivies du plus heureux succès. Mais tout près de la porte, de l'autre côté, il y avait une loge avec un énorme matin dont je n'avais pas la moindre connaissance. Quoique je prisse les plus grandes précautions en marchant, néanmoins le chien m'entendit et se mit à aboyer. Je fus extrêmement déconcerté, mais je tâchai d'adoucir cet animal par des caresses et je réussis. Je revins alors sur mes pas le long du passage pour écouter si le bruit du chien n'avait pas réveillé quelqu'un, résolu, si cela était de rentrer dans mon cachot et de tâcher de remettre les choses dans le premier état. Mais tout me parut parfaitement tranquille, ce qui m'encouragea à poursuivre mon entreprise. J'avais déjà gagné le mur, et j'étais même monté presque à la moitié de sa hauteur, quand j'entendis une voix qui criait de la porte du jardin. « Oh là ! Qui est là ? Qui a ouvert la porte ?» L'homme qui criait ne reçut point de réponse, et la nuit était trop noire pour qu'il pût distinguer les objets à une certaine distance. En conséquence, à ce que je m'imaginais, il retourna sur ses pas pour prendre de la lumière. Pendant ce temps-là, le chien, qui comprit le ton sur lequel ces questions étaient faites, recommença à aboyer plus fort que jamais. Il n'y avait plus moyen de songer à faire retraite, et je n'étais pas sans espoir de pouvoir encore venir à bout de mon dessein et de franchir le mur. Mais, tandis que cet homme avait été quérir sa lanterne, il en survint un second, et comme pendant ce temps j'avais atteint le sommet du mur, je me trouvais dans le cas d'être aperçu de ce dernier. Celui-ci, dès qu'il me vit, poussa un grand cri et me lança une énorme pierre qui me rasa de fort près. Dans une situation aussi critique, je ne vis pas d'autre ressource que de me laisser aller de l'autre côté sans prendre les précautions nécessaires, et dans ma chute, je me démis presque la cheville du pied. Il y avait dans le mur une porte dont je n'avais aucune connaissance, et au moyen de laquelle les deux hommes furent en un moment de l'autre côté avec la lanterne. Ils n'avaient pas autre chose à faire que de courir le long de la ruelle jusqu'à l'endroit par où j'étais descendu. Je voulus me relever, mais la douleur de ma chute était si vive que je pouvais à peine me soutenir debout, et après m'être traîné l'espace de quelques pas, je sentis mon pied fléchir sous moi et je retombai par terre. Il n'y avait plus de remède, et il fallut tranquillement me laisser reprendre.